Ma plume est morte, tape les bords. Sauf que sa tristesse n'a pas d'égal. Sa joie d'or, de peine des gorges. Elle m'a dit laisse, regarde et dégage. Je vois que ses cornes enflamment le décor. Ça pue la mort à deux pas d'égard. Elle me dit t'es fort, attrape la corde. Mais soir encore, je ferai partie des lâches. J'suis bon qu'à foutre la merde. J'suis bon qu'à foutre la merde. Fier du peu que j'avais, j'foire tout, j'ai tout à perdre. La droiture est illusoire, quand elle me baisse, c'est salutaire. Je ferais mieux de garder mes idées noires dans une pièce sans lumière. J'ai déconné des amarres et des bords. Levé la voile, sucé-je mes cœurs. De peur, voler des fleurs, souiller mon corps. Élever la voix, briser des cœurs. La faucheuse et la faucheuse divise en flash, mes caches, misère, vu le beau. M'assis qu'une prothèse fictive, un cache, misère du pauvre. La souffrance m'empale sur un pieu. Après avoir chiclé, j'y repense. J'y ferai sûrement, mais rare que j'en parle sur un pieu. Évite l'envie de boire, que ferme mes yeux. Le stade est vide, les fumigènes sont noirs. Et je vois tout ça quand je ferme les yeux. Partez, partez, partez, y'a rien à voir. Regardez, regardez, regardez là-bas. Partez, partez, partez, juste un animal de foire. Regardez, regardez, regardez là-bas. Partez, partez, partez, y'a rien à voir. Regardez, regardez, regardez. Partez, partez, partez, juste un animal de foire. Regardez, regardez, regardez. J'ai taclé mes dons, y'en a pas que des bons, un tas des braves. J'vois qu'il ne tombe que des capes et des bons. L'homme de l'ombre s'entasse et des braves. Le fait-on dans des tonnes de béton. Dans les rangs, l'enduit s'encrasse. Les boulons sont sortis des gonds. L'intelligence s'enfuit sans trace. L'estomac vide, faible, poussiéreux, je m'arrête, j'auscute. J'erre dans la ville en peine, découpe les pieux de marais obscurs. À se conserver, on s'y périne. Dévoiler mes arts si je péris. J'suis qu'un lézard au sang froid sur les arbres de Sibérie. Traîne mes casseroles et mes poils, que des mains moites se dévoilent devant moi. Sans foi, j'enlève le voile, bois me crève le foie. J'm'arrache les yeux, j'en ai marre de voir. Le mysticisme est flou dans ma tête. Mais la lumière me garde, me guide, me borde, me brade, me couvre dans ma quête. La nuit, la noirceur bat mon corps à mort. Aiguiser mes âmes pour passer mes messages. Prophète la journée, mon cœur bat à la mort. Ressens le souffle dans ses prophéties. Éclairé par la force, faites-moi taire si j'ai pas la tort. Le ciel m'a trop fait de signe. Partez, partez, partez, y'a rien à voir. Regardez, regardez, regardez là-bas. Partez, partez, partez, juste un animal de foire. Regardez, regardez, regardez.